Chapitre 12. Station solaire 22X. Langue beam de la République Aurora 9. 35 minutes avant l'impact. Maintenant, contremaître, ordonna le capitaine Bright, et Inamine activa les systèmes coupe-feu. Une courbe de mousse verte jaillit des becs situés sous le cockpit du longbeam pour atteindre les flammes qui ondoyaient à la surface de l'anneau d'accostage de la ferme solaire. Dès que le feu fut éteint, Bright fit avancer le vaisseau en essayant de s'insérer efficacement dans le mécanisme d'arrimage. Ce n'était pas facile. La station avait subi de graves avaries lorsque le projectile hyperspatial avait fracassé ses bras extérieurs, emportant l'ensemble de la structure dans un mouvement giratoire rapide et désordonné. La structure chaotique que formaient dorénavant les panneaux solaires, les contreventements et le vaste compartiment central destiné à l'équipage comportait des propulseurs extérieurs qui tentaient de compenser cette rotation. Mais le cerveau droïde chargé de l'opération ne comprenait sans doute pas que la masse totale avait radicalement changé après la perte de tous ses bras lors de la collision. Les petits ajustements, ces jets de vapeur émis dans l'espace par les embouts directionnels, ne faisaient qu'aggraver la situation. La sphère centrale où vivait et travaillait le personnel tremblait sous les vibrations, bourdonnant comme un essaim d'insectes irrités. Connecter l'Aurora 9 au système d'arrimage sans pulvériser le vaisseau ou la station, voire les deux, nécessitait des talents de pilote hors du commun. Heureusement, le capitaine Bright était un pilote plein de ressources. « Allons-y » annonça-t-il en regardant le témoin de son tableau de bord passer au vert pour lui indiquer que la jonction d'amarrage se présentait bien. En relevant la tête, il vit son équipe. Le contremaître Inamine et l'enseigne Peoples avaient tous deux enfilé l'équipement d'urgence issu des casiers du longbeam. Cette station abrite 7 personnes, déclara Bright. Elle n'est pas très grande, mais elle comporte toutes sortes de cachettes potentielles. Personne ne répond à nos coms, ce qui signifie que les passagers sont blessés ou que l'impact du projectile a endommagé les systèmes. Il va falloir fouiller. Nous allons nous séparer et chacun examinera un tiers des ponts. Si vous trouvez quelqu'un, ramenez-le au SAS. En cas de besoin, appelez le droïde. Il désigna d'un geste le cylindre argenté au bord hémisphérique qui flottait dehors tout près du cockpit. Un droïde pilule. De conception très simple avec un grand œil de cristal rond et une grille de haut-parleur juste en dessous. Son aspect apparemment peu fonctionnel était trompeur. Bright avait vu ses engins au travail. Ils possédaient toutes sortes de bras amovibles sous les panneaux lisses de leur coque afin d'accomplir des tâches qui pouvaient s'échelonner de l'extraction de victimes sous une épave aux opérations de chirurgie élémentaire. Plutôt pratique comme machine. « Allons-y !» dit Bright en appuyant sur l'ouverture du sas de l'Aurora 9. Une bourrasque d'air suffocant émana de la station abîmée, charriant avec elle des odeurs de fumée chimique, de plastoïdes fondus et de métal surchauffé. « Ça brûle !» commenta l'enseigne Peoples, sa trompe vibrant avec presque autant de vigueur que la station. « Et ça pue ! Peut-être que la station solaire a mangé trop de farfars au déjeuner ?»« Ouais, je le sens aussi. Mes tentacules sont presque aussi sensibles que ton nez, Peoples. Enfilez vos masques et respirez par petites bouffées, on a du boulot. » Les trois membres d'équipage se déployèrent dans la structure. Dans la fumée qui s'épaississait, il devint rapidement évident que, malgré les lunettes techno évoluées qu'ils portaient tous, la fouille visuelle ne donnerait aucun résultat. Les sauveteurs criaient donc pour se faire entendre d'éventuelles victimes et s'arrêtaient régulièrement pour tendre l'oreille avant de poursuivre leur chemin à travers les différents niveaux. Bright, de plus en plus convaincu que les occupants de la station avaient tous péri, entendit soudain une voix faible qui provenait de derrière une console de contrôle effondrée. « S'il vous plaît, je suis là. S'il vous plaît. » En se dirigeant vers le bruit, il découvrit une humaine à la peau sombre assise contre une cloison. Du sang coulait sur son visage depuis une blessure au cuir chevelu. Un autre membre d'équipage gisait à côté d'elle inconscient. Elle avait déposé la tête de l'homme sur ses genoux, mais ne semblait pas capable de lui offrir davantage en matière d'assistance. « Je travaille pour la République. Je suis le capitaine Bright. « Ne vous inquiétez pas, madame. Nous allons vous tirer tous les deux d'ici. Comment vous appelez-vous »« Chérie, » répondit-elle d'une voix faible. Et lui, c'est Ven. Je ne suis pas sûr qu'il soit... Il est peut-être mort, il n'a pas bougé depuis un moment. Ne vous en souciez pas pour le moment, chérie. Les autres membres de l'équipage ont-ils survécu? Je l'ignore. Nous avons perdu le contact les uns avec les autres quand... Tout a pris feu. Les coms de la station sont coupés. Je m'en doutais, pensa Bright. Il tira un comlink de sa ceinture et le porta à ses lèvres. Inamine, Peoples, j'ai deux survivants ici. L'un d'entre eux est trop blessé pour bouger. Je vais appeler le droïde Pilule et les ramener au long beam. Vous avez trouvé quelque chose? Tout en parlant, il appuya sur la télécommande de sa ceinture pour faire venir le droïde de sauvetage auprès de lui. Avec un peu de chance, la machine parviendrait à faire quelque chose pour Ven, l'homme qui avait perdu connaissance. Et sinon, l'infirmerie de l'Aurora 9 était équipée pour répondre à diverses urgences. Le comlink crépita. « Pas d'autres survivants pour le moment, capitaine !» répondit Inamine d'une voix entrecoupée de parasites. De toute évidence, les dégâts infligés à la station provoquaient des interférences. « Mais nous avons un autre problème !» ajouta-t-il. « Dites-moi tout !» ordonna Bright en regardant le droïde de secours approcher en planant silencieusement. Il fit signe à Sherry qu'il allait reprendre sa fouille. Elle acquiesça avec une expression douloureuse mais reconnaissante. « J'ai commencé par le niveau du bas. » poursuivit Inamine. « C'est là qu'ils stockent le matériel opérationnel de la station. Énergie, systèmes vitaux et tout le reste. J'ai flairé quelque chose et je me suis dit qu'il valait mieux vérifier le réacteur. Et j'ai bien fait. Il a subi de graves avaries. Ce truc est instable. Si on ne le répare pas, il va exploser à coup sûr. » « Bon sang, » songea Bright. Il ne s'attendait pas à une mission facile, mais voilà qui présentait un défi à une toute autre échelle. « Combien de temps nous reste-t-il ? » ?»« En toute franchise, capitaine, si ça ne tenait qu'à moi, je donnerais l'ordre de partir tout de suite. Ça peut se déclencher d'une seconde à l'autre. »« On ne peut rien y faire ? Le stabiliser, le temps de finir la fouille ? J'ai trouvé deux survivants, il doit bien y en avoir d'autres. » Inamine était ingénieur de formation. Des trois membres d'équipage de l'Aurora 9, c'était le seul à disposer des compétences nécessaires pour envisager de réparer un réacteur. Ce qui signifiait également que lui seul pouvait estimer s'il était capable d'intervenir d'une façon ou d'une autre. Inamine aurait simplement pu répondre « Oh non, pas question, rien à faire, il faut qu'on déguerpisse, on a fait de notre mieux. » Personne n'aurait vu la différence. C'était encore un gamin, il avait toute la vie devant lui. Bright ne lui en aurait pas vraiment voulu s'il lui avait dit qu'il était temps de partir. « Je peux essayer, » dit Inamine. « On gagnera peut-être quelques minutes. » Bright se sentit envahi de fierté. Nous sommes tous la République. Nous sommes tous la République, répéta Inamine. Et nous sommes tous morts si nous ne terminons pas la fouille rapidement. Intervint l'enseigne Peoples depuis une autre section. J'ai un autre survivant, gravement blessé. Envoyez la pilule. Un tremblement agita la station à cet instant précis. Une secousse sèche comme si quelqu'un dehors l'avait frappé au moyen d'une barre de duracier de 100 mètres. La vibration déstabilisa Bright, qui eut à peine le temps de se rattraper pour éviter une chute redoutable. Ils étaient fichus, ils le savaient. L'explosion allait les pulvériser. Trois aspirants héros emportés en un instant avec ceux qu'ils tentaient de sauver. Mais la secousse cessa. Et il avait encore un pont sous les pieds et des cloisons de chaque côté. La station était intacte. Bright décida de considérer l'incident comme un précieux rappel concernant la nécessité de ficher le camp d'ici. « Gagnez du temps, contremaître, » dit-il en se redressant. « Et enseigne Peoples, je vous envoie le droïde dès qu'il aura fini de s'occuper de mes deux survivants. Je continue à chercher. » Bright commença à courir balayant les couloirs du regard et cherchant à percer la fumée pour détecter des silhouettes. « Mais par la lumière !» Dépêchez-vous, tous les deux.